Ta peau brune, y a un goût de sel, et dans tes yeux, je vois le ciel. Une vague vient lécher tes pieds, mais ça n'est qu'un amour d'été. Sur la plage, il y a du sable. Viens, je suis à toi pour un été. Ta peine, loin dans la mer, tu vas pleurer. Tu le sais bien. Un amour.